Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Jean-Antoine Rioux viendra nous donner ses trucs et astuces du Club plein air UQTR. Anne-Julie Desrochers partagera ses sentiments ou ses châtiments dans l'index d'Anne-Julie. Et on parlera d'art et spectacle avec Alexandra Carignan et le temps d'une culture. Assemblage requis commence maintenant! Bonjour et bienvenue à Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. On t'en dirait les sous de 6 fois à Trois-Rivières, je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Oui, on est le mardi 15 octobre 2013. Octobre, bonjour. On l'aura fait tout le mois. La oui, octobre. Tu l'auras fait. Oui, peut-être. Mais j'aurais fait Rocktob et Coctobre multiples fois. Et voilà. Fait que ça se compense. Mm-hmm. Première émission de la deuxième partie du mois. Si on regarde ça comme ça. Oui. C'est on est à mi-octobre. Première émission après l'Action de grâce. Vrai, est-ce que t'as mangé de la dinde? No. Non. Non, non. Est-ce que quelqu'un mange encore de la dinde à l'Action de grâce? Je sais pas. En fait, c'est juste par longueur de cuisson. J'avais comme pas envie. C'est de la paresse, hein? Ouais. Tu peux commander une dinde chez Tidane? Ouais, chez Tidane. Non, on a fait de la fondue. Oh, miam. Mm-hmm. Moi, j'ai bu juste de la sauce, de la grévée. Ah ouais, de la grévée. Hey, ça te grévait le système, ça. Ah, matin, ça doit être... Si seulement je pouvais boire de la grévée le matin en me levant, oh, à la place d'un café. Une bonne sauce brune. Petit grumeau de poivre. Donc, bienvenue à Assemblage requis. Aujourd'hui, on a une belle émission. 601e émission aujourd'hui. Oh! La nouvelle ère d'Assemblage requis. Débutée. C'est ça. On avait un petit plan pour la 601e. Mm-hmm. Ça marche pas bien, bien. Hein? On va attendre la 600e. Hein? Bon, ben, coudonc. C'est ça. Ça ressemble à ça. Donc, aujourd'hui, à l'émission, on va avoir à 8h Charles-Antoine Rioux, Chuck Tony et sa chronique trucs et astuces du Club plein air UQTR. Mm-hmm. Donc, toujours comment sortir de chez soi. Oui. De sa zone de confort. Et puis en profiter. Oui. En nature. Oui, mm-hmm. C'est ça, trouver de la gravy dans nature. Dans nature, oui, comment faire sa propre gravy à base d'écorce. Miam! À 8h30, Anne-Julie Desrochers et sa chronique l'index d'Anne-Julie. Oui. Toujours un coup de cœur ou quelque chose qui l'a perturbé pendant la semaine. Et aujourd'hui, perturbé. Ça fait négatif un peu. Oui. 7 films à regarder pendant la semaine de travaux et d'études qui s'en revient la semaine prochaine, si je me rappelle bien. Oui. C'est ça. Qui suivra la semaine d'examen, hein? Je pense que c'est cette semaine. Ça, et ensuite la semaine des 4 jeudis, donc oui. Quand même, on est bien timé là-dedans. Ensuite de ça, à 8h45, Mathieu Roy et sa chronique sur la GEQTR, les activités qui s'en viennent, entre autres une affaire de nuit sportive, je pense, qui s'en vient. Ouais, LaserQuest aussi. Oui, LaserQuest. On en apprendra plus tard avec Mathieu. Et puis finalement, à 9h, Alexandra Carignan et le temps d'une culture. Pour nous culturer. De l'art et du spectacle. Voilà. Mm-hmm. Tout ça et nos chroniques maison, dont Kinky Sexy Time plus tard dans l'émission. Pour l'instant, par contre, on dirait qu'on a eu, je sais pas si c'était une avalanche dans le studio, je sais pas si c'était le congé qui a fait ça, mais Colin, que tout était dans le Bataclan de désordre un matin. Ah! L'action de grâce, hein, les gens virent fous. C'est bien connu. C'est à un moment où tu défais ton bouton de pantalon. Oui. La grosse bedaine. Ça fait les affaires partout. Tout se renverse. C'est quelque chose. Oui. On va commencer en musique aujourd'hui. Oui. Parce qu'un congé, j'aime ça. Donc voici la chanson J'aime ça des Handclaps. D'habitude, je fais des jeux de mots, mais là, j'ai juste dit le nom. Ouais, c'est correct. Ça passe juste. Un peu comme la bedaine quand t'enlèves ta raison, c'est ça. Quand tu te retournes, t'accroches tous les micros. J'aime ça quand tous les deux on rit aux

lose. Act like you don't care while you pray for a cross to bear. But it's not the way you can afford your time or the envy of the friends you left behind. So wherever you go, they can have everything you lose. Is this it? This is it. Is this it? This is it. But it's not the way you can afford your time or the envy of the friends you left behind. So wherever you go, they can have everything you lose. This is it. Au retour, c'est la chronique L'Index d'Anne-Julie Durocher. Assemblage requis. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. CFOU 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour, c'est toujours Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. On est en direct des studios de Cifou à Trois-Rivières en ce mardi 15 octobre 2013. Il est Jean-Philippe Chabreau. Et il est Mathieu Plante. 8h28. Oui, salut. Allô. Hello. Hello. Hello. How are you doing? Ça va bien. Cool. Anne-Julie. Bon matin. Bon matin. Toi, ça va? Ben oui, ça va super bien. Ah, je suis contente de voir ça. Est-ce que tu t'es dessiné un petit bonhomme sourire sur ton index? Non, mais tu préfères ça pendant mon intro. Pendant la chanson, ok, ouais. Je me rends de l'autre bord. Pendant bon. Toute la chronique. Du doigt un index qui réveille une toute petite voix. Et c'est Anne-Julie Durocher qu'on reçoit pour la chronique L'Index. Chronique de choses qui t'ont touché pendant la semaine, des choses qui t'ont intéressé, des choses que tu veux partager avec la communauté, la population. C'est en plein ça, c'est un petit peu de tout et de rien aussi, là, des fois. Là. Bah non, pas de rien, là, ça c'est un peu, non, c'est pas trop loin. OK, beaucoup de tout? Beaucoup de tout et des choses, mais pas tant que ça. OK. C'est bon, c'est très politically correct, ouais, comment hein? Dire ça, ouais, j'aime merci. Ça. Merci. Ben oui, en effet, hier, je me demandais bien de quoi j'allais parler, parce que hier dans ma tête, on était dimanche et j'avais comme oublié que j'avais une chronique. Ouais. Là, c'est comme ma coloc qui m'a dit, ouais, mais demain, t'as une chronique. Et c'est ta coloc pour ça. Merci. Fait que, rendu à 10h le soir, j'ai tenté de me trouver un sujet demain. Puis, je me suis dit, il faudrait que je trouve quelque chose en lien avec la semaine de travaux et d'études. Ouais. Mm-hmm. Parce que, bon, ça s'en vient. C'est la semaine prochaine, ça, déjà. C'est ça. La semaine du 21. La semaine de ouvre la guillemets, travaux et d'études, ouais, ben c'est ferme ça. La guillemets. Mais c'est ça, tu sais, je me suis dit, c'est vraiment connu que tout le monde fait genre que des travaux et des études c'est pendant clair. Cette semaine-là. Oui. Fait que je me suis dit, tu sais, je vais leur permettre de prendre quelques pauses. Oui. Je vais leur suggérer, en fait, 7 films à écouter. Pour qu'ils aient comme à peu près bon 2 heures par film, 14 heures de repos pendant leur semaine de travail d'études. Okay. Est-ce que tu écoutes le film par jour? Ouais, c'est ça, un par jour? Est-ce que tu le coupes en tranches d'une demi-heure? Non, un par jour. Okay. Un par jour. Mais il y a 9 jours dans la semaine de travaux d'études, ah parce oui? qu'il y a comme 2 fins de semaine. Ah, c'est vrai. Fait que ça fait 9 jours. Fait que moi, je vous en propose 7 parce qu'il faut quand même vous étudier puis vous travailler. Ouais. Hein, 2 jours de travaux, 7 jours de film. Ouais. C'est un ratio ça. Correct. Ben oui, c'est ce que je me suis dit. Fait que je vous en propose 7 dans un ordre qui n'a pas d'importance. Okay. Vous pourrez les garder dans l'ordre que vous voulez. C'est pas classé du meilleur au moins bon que vous pouvez skipper si vous changez d'idée. Okay. C'est pas par ordre de couleur. Non, c'est juste que j'ai ouvert mes tiroirs de mon meuble de film. puis j'ai sélectionné les 7 meilleurs films que je me dis ça, j'aimerais ça les écouter pendant ma semaine de travaux d'études. T'as une grande collection de films à la maison, t'es une cinévore, Phil. Ben, quand même, mais j'ai comme slacké un petit peu, genre, des dernières années, l'achat de films, mais c'est 7 vieux films. OK. Je suis allée comme vraiment dans, selon moi, des classiques. Des classiques. Donc, c'est pas vraiment première place, là, mais c'est... Premier film, ouais. Jurassic Park, la trilogie. Ah, OK. Ah, oh, là, on vient de changer la donne, par exemple, parce que c'est plus que 7 films. C'est drôle de même. Plein de surprises. Ben ouais. Fait qu'il faut écouter Jurassic Park, particulièrement le premier. Bien sûr. Celui-là, c'est inévitable. Si vous avez du temps de lousse parce que vous n'avez pas tant de travaux et d'études, vous pourrez écouter les deux autres. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un quatrième qui s'en vient, ça a de l'air. C'est la suite, ça. Ouais, ouais, c'est pas un remake qu'ils refont, là. Non, c'est ça. C'est comme un quatrième. Fait okay. Pour être comme dedans, il faut écouter les trois autres préférablement. Parce que c'est tout le temps bon, des dinos. Ouais. Puis, c'est ça. Fait que ça vaut la peine d'écouter ça. Après ça, en deuxième place, deuxième film que je vous suggère, parce que des fois, c'est important de continuer à s'instruire malgré que on va flâner pendant une semaine en pyjama à boire du café. La liste de Chandler. Oh, oui. C'est du sérieux, ça? Ben c'est... Ouais, ben ouais, on passe de... C'est ça, je me suis dit, tu sais, je peux pas toujours leur proposer des affaires comme super le fun, là, même si ben, c'est un très bon film. Très, très bon film. Très bon film, mais c'est ça, je me suis dit, c'est tout en bon de garder un petit peu de. Continuer à s'instruire, voir des choses qui sont pertinentes, là, pas juste du divertissement. Après ça, troisième film, qui est plus un film de filles. Fait que si vous êtes en couple, vous l'écoutez pour votre blonde, puis si vous êtes une fille, vous l'écoutez avec des amis de filles. Le Titanic. Attends un peu. J'allais justement faire la référence. Est-ce que tu vas nous donner un troisième film de Steven Spielberg? Mais je pense que. Parce que Jurassic Park, c'est Steven oui. Spielberg. Schindler's List, j'ai regardé sur mon iPhone parce qu'on n'a pas Internet dans le studio. C'est aussi Steven Spielberg. Oui. Et le Titanic, il me semble que c'est aussi Steven Spielberg. Non, c'est James Cameron. C'est James Cameron. C'est James. Mais moi aussi au début. Tu m'as fait peur. Là. Quand j'ai fait ma liste, j'ai dit, non, je change juste des films de Steven Spielberg. Évidemment, je me suis rendu compte, James Cameron, Titanic, OK, ça va. C'est correct. Ouais. Fait que c'est ça. Ben, tu sais, c'est parce que c'est quand même des bons réalisateurs. C'est pour ça que les films sont comme dans ma liste. Des petits Joe connaissants qui se pensent bon avec leur petit film. C'est ça. À petit budget. C'est ça. Fait que le Titanic, parce que ben c'est bien le fun avec une bouteille de vin ou deux ou trois, là, parce que le film est quand même long, tu sais. T'es calme, tu sais. C'est ça. T'es calme. Oui, Titanic. Tu décapsules ta bière Décaprio. Il y a une bière qui s'appelle le Titanic. Je ne sais plus quelle microbrasserie, mais vous pourrez comme boire ça en même temps. Ça fait très concept. Mm-hmm. Calez votre bière Titanic pendant le petit film Titanic. Bon, après ça... Avec une fille sur le divan qui s'appelle la Titanic, là, tu sais. La petite Annick. La Titanic. C'est drôle. Ah, merci. Après ça, quatrième film, Forrest Gump. Oui. Parce que c'est, à mon sens, un incontournable qu'on se doit d'écouter une fois par année parce que l'histoire est juste merveilleuse. Puis c'est ça, faut écouter ça. Puis si vous l'avez jamais vu, ben là, c'est le moment, il est comme temps. Oui. Écoutez-le, là. Il n'y a rien d'autre à dire. Après ça, vraiment un très vieux film, Le Magicien d'Oz. Mais comme la vraie histoire du Magicien d'Oz, le vrai film avec Judy Garland. Qui est comme plus ou moins en couleur ou des couleurs un peu louches. Là. allez vous l'acheter. Il se vend chez HMV, Archambault, Renaud-Bré, en tout cas, tous les endroits où est-ce qu'on vend des films. C'est pas un film de répertoire, mais non. C'est quand même facile à trouver. C'est ça. Mmh. Judy Garland, qu'au Québec, on appelle Judy Garland. T'es fort, ces jeux de mots aujourd'hui. Tu viens d'embrayer à quatrième vitesse, Mathieu. Fait que c'est seulement Magicien d'Oz pour la musique et parce que ben c'est un vieux film puis ça fait du bien des fois de venir en arrière. C'est ça, dans les vrais vieux films. Après ça, en sixième, le sixième film que vous devez écouter juste parce que je vous proposais pas tant de films d'action. Bon, Jurassic Park, là, pas un film d'action, mais un vrai film qui était une d'action, Tornade. Twister en anglais. Je pensais à dire un film d'action, Wall Street avec Tom Cruise. Il y a des actions dedans. Film d'action. C'est bon. Wow. Ils l'ont déjà fait, genre, sur le poster. Film d'action. Wall Street. Non, je pense pas. Okay. Mais tu pourrais leur proposer, je pense. Oui. Fait que c'est ça. Tornade, c'est-tu le film où le gars, il faut qu'il aille porter genre des... Les machine, senseurs, ouais. Oui, oh, wow. Une machine dans ça, les tonnes. Ça, c'est vraiment venir en arrière. Oui, oui, puis tu sais, il y a comme la vache qui vole. Oui. L'image que genre tout le monde se souvient dans le film, c'est celle-là. C'était mon film quand j'étais jeune, genre quand il faisait pas beau. Fait que je vous le suggère. S'il y a une journée où il fait pas beau, écoutez Tornade, ça vaut la peine. Vous allez vous souvenir de plein de belles choses. Moi, ça me fait penser, je sais pas pourquoi, Tornade, mais le film avec le volcan, Volcano. Oui, oui. Avec James Bond, mais avant que tu fasses James Bond. C'était-tu avec lui? Oui, oui, oui. Je suis certaine. Ah, ça se peut. Mais c'est là qu'il bloque, à un moment donné, la lave là, avec des blocs de béton. Là. oui, c'est comme vraiment... C'est vraiment un film à voir, là. C'est ridicule. Mais le film commence au début comme dans un genre de... d'eau chaude, puis là... Il y a eu deux films sur les volcans qui sont sortis pas bien ben longtemps, un à côté de l'autre. Il y en a un, c'est... si j'avais Internet. Si seulement. Mais je pense qu'on parle pas du même. Je sais que c'est... C'est-tu dans une montagne, toi? Ça se peut. Parce que moi, c'est comme un volcan dans New York. Oh non, moi, c'est okay. Plus perdu, genre. Puis là, ils sont dans le métro, puis là, ils fondent. Un peu comme les moustiques. Mais le béton arrête la lave, mais pas le métro. C'est pas mal le punch. OK. c'est comme ça qu'ils réussissent à s'en sortir. En tout cas, c'est spécial, hein? Oui, volcano. En tout cas, c'est pas dans ma liste. Non, je m'excuse pour cet aparté. Non, j'essaie de suivre. Puis finalement, parce que faut retourner en enfance, oui. Écouter un film de Disney, mais un vieux film. De Disney. Pas les nouveaux, le Shrek et tout ça. Je sais même pas si Shrek c'est Disney, en fait. C'est pas Pixar, ouais. C'est Pixar, je sais pas entre les deux. Pas les récents films de Disney, mais les vieux films de Disney que vous avez en VHS chez vos parents. Allez voler le VHS plus la cassette. Allez écouter ça chez vous. Parce que ça fait du bien de retourner en enfance. Fait que ce soit le Roi Lion, la Belle Peter Pan. Dormant. Oh, c'est si bon, là. J'avais même pas mis comme dans ma liste de suggestions. La sirène. Ouais. Oui, c'est celle-là plus. La Belle et la Bête, moi. Oui. Peter Pan. Bon. Roxy Rookie. La Belle et le Clochard. Ouais. Mais j'en ai pas d'autres. Mulan. Oh! Pocahontas. Ah oui, c'est bon. Dans les deux sont cute. Bon, c'est ça. Fait qu'allez écouter vos classiques de Disney pendant... la semaine de travaux et d'études, parce que c'est pas une semaine de relâche. Non, voilà. Et là, si vous êtes complétistes comme moi, vous allez devoir écouter la série complète des films de Disney depuis leur création. On se fait un marathon, c'est ça. Oh, wow! Oui. Il n'y a plus d'études. C'est grave. En tout cas, ça, c'est la suggestion de Mathieu. YOLO, man. YOLO! Il y a une vie à vie. Fait que c'est ça, fait que passez une belle semaine de travaux et d'études et écoutez toute cette panoplie de films-là. Puis il y en a d'autres, je suis sûr, plein de bons classiques. Là, vous pourrez trouver des top 10, 40, 100 sur les internets. Voilà. Eh oui. Toi aussi, bonne semaine de travaux et d'études. Donc, on te retrouve dans deux semaines, j'imagine? Je peux peut-être venir la semaine prochaine. J'ai rien à faire d'autre que des films. Je mettrai pause. C'est ça. C'est ça. tu nous liras tes affaires de cours en ondes. Peut-être que ça nous de intéresse. De cours en ondes? Tu diras en ondes. Tu feras ton étude. Ouais, c'est bon. Rien d'autre en ondes cette semaine-là. Au son de la clochette, tournez la page. Oh, une cloche à ours. Une cloche à ours, oui. Fallait le coude. Hein? Donc, à la semaine prochaine peut-être, mais sinon, les mardis à 8h30. T'en plais ça. Pour l'index d'Anne-Julie. tantôt, on va avoir la chronique de la GEQTR. En tout cas, Mathieu Roy devrait être là pour sa chronique dans quelques minutes. Mais pour l'instant, on s'en va entendre une pièce du palmarès. Qu'on s'en va entendre. Puis, même que je pourrais te laisser l'opportunité d'en choisir une, si t'en veux une, Jean-Philippe. Je t'ai pas demandé encore aujourd'hui. Mais j'irais pas mal dans le francophone. Okay, ouais. Et puis, j'aimerais ça, petit pain de panache. Ah, bonne idée. Ouais. J'ai un petit creux, là. Je regarde mes petits... Mais ça, les gâteaux! Les petits gâteaux, là, en ondes. vole pas le punch. Pourquoi qu'il y a des petits gâteaux dans le studio? Mais non. Personne ne sait pourquoi c'est là. Personne sait. Hey, j'ai acheté du pain à l'ail hier à l'épicerie. Ah oui? C'est bon? Oh, c'est bon. Les épiceries qui n'étaient pas fermées le jour de l'Action de grâce. Pas de congé pour la bouffe. Non! J'y vois pas pour l'instant. Trop d'inconvénients. petit pain de panache. Oui. Ok, c'est bon. Avec de l'ail, du beurre à l'ail. Oui, c'est vraiment bon. Donc, t'as mangé quoi avec ça? Bonne question. Du saumon. Ah, ok. Mais tu sais, moi, l'affaire de matcher, le repas avec l'accompagnement, moi, ça. Aucune importance. Moi, j'ai mangé de la salade, du pain, du saumon ensemble. Je trouve que ça va bien. Sinon, ça aurait pu être des green cheese. Oui. Puis du pain à l'ail, puis ça aurait plus de pain. Deux fois plus du pain. De pain. Du pain, du pain, ça va. Ah, un green cheese avec du pain à l'ail. Ah, débile. Mathieu. Pour vrai, hein. J'ai pas encore essayé. Oui, copyright, Jean-Philippe Chambon. J'ai pas encore testé le grilled cheese déjeuner. Tu sais, quand je t'avais dit que barre de peanut et confiture, faudrait que je fasse ça pour le tester, non? Oui, faudrait qu'on pourrait amener un petit. Un truc à grilled cheese. Oui, mais pourquoi on n'a pas le petit faux grille-pain dans le studio? Non, on préfère ça, tu sais. Pas faire ça au tailbreaker, d'après moi, c'est ça. Les miettes aussi, peut-être? Peut-être. Probablement pour ça qu'on a pas ça. Ah, ça doit être ça. Mm-hmm. Les odeurs. Oui, bah ben ça par contre, on a les odeurs des nachos à la chasse, puis c'est toujours quand le vent est favorable, c'est ça. Vent nord-est. Oui. Ça, ben oui, c'est vrai. Quand le vent est favorable, ça marche pour de vrai. C'est une bonne, ouais. Ah ouais. Mm-hmm. On n'avait rien à dire ce coup-ci. Hein. Non. On retourne en musique avant la chronique de la GEQTR, donc on s'en va entendre Midi Cayenne Club et leur extrait L'art pour l'art sur C'est fou. 89.1 FM. L'art ouest. Si je crois à l'art pour l'art, parce que j'ai honte de notre monde, parce que je voudrais le guérir avant d'en mourir. Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas où commencer, pour faire renaître les rires, pour couper les barbelés, et faire sortir de l'enfer ces fillettes prises à mendier. Je suis-tu aux prises avec ma carrière, je suis-tu un idiot en dimanche? On a manqué ta première syllabe, mais c'était pas si pire. Oui. Donc, Midi Cayenne Club, oui, l'art pour l'art et la pièce qu'on vient d'entendre à Assemblage Requis. Maintenant, ben tiens, pourquoi ne pas essayer de savoir comment faire les choses. C'est comme, mettons, prendre des notes pour savoir qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie. T'sais. Oui. Une liste. Mais pas une liste comme dans la chronique de liste, parce qu'il ne faudrait pas mêler les chroniques non plus. Mm-hmm. Voici les instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le marché. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Agitez fermement sans trop brasser. Étape 2. Prenez quelques vis numéro 77 et boulinez ou charpente numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17. Repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas. Ben oui, ça marche pas. Ça marche pas. Qu'est-ce qu'on fait? On m'écoute. Ouvre grand les oreilles. Étape numéro 1, tire le lobe. Oui. Étape numéro 2, mets ton oreille proche de la radio. Est-ce que toi, t'aimes ça, toucher le lobe d'oreille? J'aime bien. Je dirais pas que c'est une passion chez moi ou un hobby, mais non, j'aime bien. C'est une passion chez vous, Mathieu Plante, de vous toucher ouais. Le lobe. C'est l'endroit le plus érogène, hein? Mm. C'est. Wow. Le crunchy. Le crunchy part. Ouais. de l'oreille. Donc, allons-y avec les instructions d'assemblage, qui est la chronique où on vous présente des trucs et astuces, oui. Mais at large, comme vraiment dans la vie au grand complet. Par exemple, de toujours vérifier sur ton casque de moto, okay, s'il y a des araignées ou des bibittes avant de partir avec puis d'aller sur l'autoroute à 80 000 à l'heure. Avant de l'avoir dans ta visière, faire comme... C'est jamais bon une araignée d'en face. Non. Sauf l'Halloween. Ouais. C'est pas une vraie. Si tu veux empêcher les télémarketeurs, télémarketing, de vous appeler, t'as juste à leur dire que t'as moins de 18 ans. Ils n'ont pas le droit de solliciter des mineurs. Mm-hmm. Tu leur dis, ah ben, Colin, j'ai 17 ans, je peux pas répondre à ton affaire. Mm-hmm. Désolé. Puis là, t'inventes une histoire saugrenue du genre, ah oui, mes parents sont partis à l'autre bout du monde à la conquête de l'Everest pendant 20 ans, je suis seul. Ou sont en douche. Ouais. Non, parce que là, ils vont rappeler 20 minutes après. Ah, OK, ah, j'avoue. Oui. Puis aussi, sinon, ça pourrait être confus. Tu te parles ouais, Colin, excuse-moi. Aïe, il m'a touché le lobe d'oreille un petit peu. OK. Ça va bien aller, ça va bien aller. Tu leur dis qu'il est dans la douche en train de grimper le Mont Everest, qui est le nom des seins de la fille. Qui est le Mont Everest. Oui, oui. Avec des pics à... Ah oui, puis là, la personne va être confuse, puis voilà. C'est ça. Tu gagnes. Tu gagnes à tout coup. Ensuite, ah, c'est vrai, on n'a pas Internet. On ferme celle-là. Okay. La règle du 20-20-20. 20-20-20. Donc, regarder quelque chose à 20 pieds de distance pendant 20 secondes à chaque 20 minutes est une méthode qui va empêcher tes yeux de forcer. Et donc, ça va arrêter les maux de tête. Donc, 20-20-20, on regarde quelque chose à 20 pieds de distance pendant 20 secondes à chaque 20 minutes. OK. C'est facile à retenir, 20-20-20. Oui. Donc, voilà. Au bureau, vous faites un petit X rouge pour vous mettre à peu près 20 pieds. Puis là, tu vas pouvoir regarder. Avec un peu de chance, tu vas tomber sa belle Sonia. C'est ça. Tu le moins restes. Oui, tu le moins restes. Si quelqu'un t'achète un repas, t'emmène à quelque part manger et paye ton repas, mais tu sais pas dans quelle braquette range de prix, c'est ça, quel range, eh ben, tu leur demandes ce qu'ils recommanderaient. Qu'est-ce que tu me recommandes? Est-ce que tu as déjà mangé? T'es-tu déjà venu ici? Ouais, c'est ça. Oui, qu'est-ce que tu prendrais? C'est pas pire idée. Ouais. J'avoue, j'aime ça. Ensuite, ah, tiens, une délicieuse collation, c'est des biscuits Ritz, OK, donc salés un petit peu, avec un rouleau. Les chocolats au caramel, okay. Okay. Tu mets ça dedans et tu passes ça au four. Ah. Ça fait fondre caramel et épicé. Ça fait fondre le caramel. Fondre le caramel. L'ananas et moule café, oui, tout à fait. Bon, ça c'est dégueulasse. Boire de l'eau à l'intérieur, qui était à l'intérieur d'une voiture chaude, c'est vraiment pas une bonne chose. Donc, une bouteille d'eau qui a été exposée au soleil d'été, c'est dangereux. Les rayons ultraviolets du soleil vont augmenter la sortie, si on veut, des trucs chimiques dans le plastique de la bouteille, spécifiquement la dioxine, dans l'eau. Et la dioxine est liée au développement accéléré du cancer du sein. Oh! Donc, no way. No way. La bouteille d'eau dans la voiture, on la laisse là, on la boit pas. Si tu donnes des conseils à un ami et qu'ils fonctionnent, ces conseils-là, pourquoi ne pas réutiliser tes conseils sur toi-même? Ben oui. Petite phrase cute comme ça, je devrais peut-être écouter ma propre chronique des fois par moment. Mais je sais pas ça, c'est trop plate. Lorsque vous changez vos vêtements de ski, que vous mettez vos vêtements normaux ou le contraire, dans le stationnement d'un resort, là, de trucs de ski, comment on appelle ça? Une station de ski. Une station de ski. Donc, mettez vos tapis de voiture à terre. Ben oui, pourquoi pas? Pourquoi ne pas? Tu te mouilles pas les pieds? Mais en plus, c'est deux fois plus brillant parce que tu pourrais garder ceux d'été. Parce que tu sais, souvent, tu les changes. Tu peux les changer, tapis d'été, tapis d'hiver, pour ramasser la garnette puis tout le jus. Mais tu gardes juste une ou deux paires de tapis d'été pour toi, pour tes pieds. Oh. Hey, hein? Le confort, toi. Ouais, moi, je pense que là, tu m'as. Je t'as. Ouais, il va falloir que je la réécoute. Parfait. Quand un ami se plaint, d'accord? Des fois, c'est mieux de garder le silence que d'essayer de lui donner des conseils. Parce que des fois, tout ce qu'il veut, c'est vider le méchant, sortir le pu. On comprend ça. Sortir le jus, comme tu as dit sur les tapis. Oui. Mets des tapis de char à terre. Ben oui, sors le jus. Les bonnes choses viennent à ceux qui attendent. OK? Mais les autres. Qui attendent. Qui attendent. Les bonnes choses viennent à ceux qui attendent. Et les plus grandes choses viennent à ceux qui se lèvent debout et font quelque chose pour accomplir à la place. Tu vois, pourquoi je mets mes petites phrases dans le milieu de la chronique au lieu de la fin? Je sais pas. Quand vous achetez quelque chose sur Craigslist, genre Kijiji, eBay, quelque chose comme ça, utilisez une fausse adresse courriel, OK? Pour faire une offre plus basse. Okay. À la personne. Et ensuite, avec ton adresse courriel véritable, tu leur fais une offre un petit peu plus raisonnable. Ils vont se dire, Colin, mais l'autre, il m'offrait rien. Puis lui, c'est plus. Fait que c'est plus. Mm-hmm. Des fois, il n'y aura pas tant de demandes à son article. Mm-hmm. Des fois, ça pourrait être bon. C'est une bonne idée. Là, c'est un peu crossé. C'est un peu croche. Mais en même temps, tu as le droit. T'as le droit. C'est pas illégal. C'est du marketing. Ben oui. C'est du marketing. Marketing. Du bargain. Enlarge your aspect. Oui. Ajoutez un petit peu de vodka à une bouteille de spray. C'est une petite bouteille de push-push, là. Et mélangez ça avec de l'eau. On dit que ça va tuer instantanément les abeilles. OK. C'est Charles-Antoine Rioux, Chuck Tony, qui serait pas content d'entendre ça parce qu'il dit qu'il faut juste laisser vivre les insectes. Ben oui. Je trouve qu'il y en a de moins en moins. De moins en moins. Mais. Comme l'autre l'a dit, quand il n'y aura plus d'abeilles dans la vie, fin des temps. Oui. Quelle musique allons-nous écouter si DJ Abeille Gélina n'est pas là? Ben oui, je sais pas. Je sais pas ce qu'on va faire. Ouais. Mais non, de la vodka, ça va instantanément tuer une abeille, ce qui me surprend. J'aurais aimé ça l'avoir faire des genres de drôles de zigzags. Ben oui, avant. Un peu comme Abeille Gélina quand il est DJ. Oui, oui. Qui a bu de la vodka un peu. Tu as un spray de vodka dans la bouche d'Abeille Gélina. Ah, ça, c'est drôle. C'est drôle, c'est une petite blague à faire à vos amis. Installez un miroir, un miroir fait sur le long, ouais. Sur un escalier, sur une marche chez vous. OK. Installez ça là. Ça va refléter le ciel. Les gens vont penser qu'il n'y a plus de marche. Ah! Ah ben, Gélina rentre chez vous. Ah! Bon, c'est ça. Mais elle, c'est normal, elle vole. Elle vole. Elle vole. Buzz. Prolonger la vie de vos rasoirs en remplissant un verre de vodka, encore une fois. Hey, c'est la vodka aujourd'hui. La semaine passée, c'était l'huile d'olive, puis le... Oui, attends, c'est quoi le cidre de vinaigre de pomme. Vinaigre de cidre de pomme. Ah, okay, oui. Donc, prolongez la vie de vos lames de rasoir en remplissant un verre de vodka et en laissant vos lames donc trempées dans l'alcool après vous être rasé. Bonne idée. Ok, je vais en garder une cute pour la fin de phrase. Ok. Si tu dors dans une pièce où il fait plus froid, t'as plus de chances d'avoir de mauvais rêves. Ah oui. Donc, moi j'aime ça dormir quand il fait frais. Là. Oui, avec les emmitouflés. Oui. Oui. Mais là, est-ce que tu dors puis il fait froid ou il fait chaud parce que t'es emmitouflé? Ah là, c'est super. Moi aussi. Bien sûr. Non. Si ton estomac fait du bruit en public, hier j'avais les pires bruits d'estomac du monde. Tu vois, moi en ce moment, c'est ça que ça fait. Ah, mais ça ouais. Comme... Si tu baisses le fond, on l'entendra pas. Hein. Non, mais t'es à 2 secondes près de l'avoir manqué. Si ton estomac gargouille donc en public, dans le fond, ça dit de pousser ta bedaine. OK? Un peu comme, tu sais, quand tu te laisses aller après un gros repas, hein, et le bruit devrait arrêter. Ah, OK. Et là, tout à coup, ça peut faire d'autres bruits, par exemple, si tu pousses trop fort. C'est ça. Et ça dit de ne pas faire rien avec tes muscles. Tu sais, il y en a qui vont essayer de se rentrer le ventre. Là. Après, c'est de laisser sortir les muscles. Voilà. Ensuite... je vais aller avec celui-là. Si un oiseau entre dans ta maison... Ça arrive sur un oiseau. Une chauve-souris, des fois, ça m'est déjà arrivé une fois. Moi aussi, les deux. Ah ouais? Ouais. Ah, c'était pas vrai, une chauve-souris. Hein. Ça a bien été. Tu fais nanananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananan ou une fenêtre où il y a de la lumière visible dehors, ils vont suivre la lumière jusqu'à dehors. Tout simplement. C'est quand même simple. Enlever le moustiquaire. Oui, aussi, c'est possible. Quand vous avez, comment on appelle ça, un bouton, là, mettons, ça a langue ou tu sais... Ouais, un bouton sur la langue. Un bouton sur la langue, t'empêche de te lutter. Bon. Ouais. Donc, mouillez votre doigt, trempez-le dans le sel et tenez ça sur le bouton de langue ou peu importe pour aussi longtemps que vous êtes capable de le supporter. Oui, c'est vrai que ça marche. Et le lendemain, ça sera plus là. Cool. Moi, j'avais entendu gargariser avec de l'eau et du sel. Ben, le sel, ouais, dès que t'as quelque chose dans la bouche, là, de l'eau et du sel, c'est pas mal gagnant. Concentrer le sel le plus possible à la place où ça a lieu. Avoir un mauvais coup de soleil avant l'âge de 18 ans, ça va doubler tes chances de développer un cancer de la peau. Oh. Donc, n'oubliez pas de ne pas passer trop de temps au soleil ou de vous protéger. Voilà. Si vous voulez perdre du poids, ne mangez rien 4 heures avant d'aller vous coucher. Ça va faire une extrêmement grosse différence, nous dit-on. Pour perdre du poids, 4 heures avant de se coucher, de ne pas manger. Parfait. À la place d'aller voir un film et d'aller souper, tiens, allez voir le film en premier et ensuite allez manger. Comme ça, vous allez avoir quelque chose à dire lors du souper avec peut-être un rendez-vous, une date. Mm-hmm. Dinner and a movie, comme on l'appelle. Hey, t'as-tu vu ça, la scène d'action? Ah oui, oui, oui. Oui, le film d'action là, avec Wall Street. On l'a fait tantôt. ça c'est drôle. La connaissance, la définition du mot connaissance, c'est de savoir qu'une tomate est un fruit. Okay? La sagesse est de ne pas mettre ça dans une salade de fruits. Je vais ça drôle. Mettez une photo d'un tatou que vous voulez, okay, un tatou, dans votre chambre, à une place où vous allez le voir à tous les jours, le tatou. Et si vous aimez encore le tatou après quelques mois, ben là, vous pouvez vous faire tatouer. Ou tu vas t'en aller encore plus vite à un moment donné quand tu vas le faire faire. C'est ça. Parce que tu viens de le voir pendant 6 mois avant. Pas sûr. Mais c'est vrai que c'est une bonne idée. Ouais. Pas faire ça sur un coup de tête. S'habituer un petit peu. Mm. Ou dessiner là avec un charpie. Ou sinon, tu te fais un petit tatou en bas du dos. Tu le verras jamais. Tram stamp. Une petite abeille. Ouh. Oh! La face d'abeille Gilles, là, pour vrai. Là, ça serait trop. Dans le bas du dos. Oh! souffler sur ton pouce, ça peut calmer ton anxiété, ça peut ralentir en fait ton battement de cœur. Ouais, souffler, j'imagine qu'il faut te mettre le pouce dans... le pouce dans ta bouche, j'imagine. Puis là, ça fait pas comme dans les bandes dessinées, puis ça fait gonfler tes muscles. Et un peu d'épinards. Oui. Voilà. Ensuite de ça, pointer une lampe de poche vers le plafond d'une pièce pour éclairer toute la pièce à la place de juste un endroit précis. Donc, t'éclaires le plafond. C'est intelligent. Si ton aspirateur sent mauvais, mets un petit peu de bicarbonate de soude dans le sac pour, dans le fond, le garder au frais. Aspirateur. Ben oui. Pourquoi pas? Bicarbonate de soude, c'est quand même miraculeux. Oui, efficace. Tu sais, pour toutes les sales besognes. L'odeur dans le frigo. Sachant ce que les gens font avec leur aspirateur, ça pourrait être une sale besogne, en effet. Ça aspire-tu le liquide, ça? Jus de citron et une pincée de sel. D'accord? Chaque matin, ça va baisser le niveau de cholestérol et ça va t'aider à perdre du poids. Donc, jus de citron et une pincée de sel. Évidemment, je dis ça, j'ai pas essayé ça. Évidemment. Est-ce que dans l'eau, tu penses? Ou direct? Ça dit jus de citron et une pincée de sel tiède. Je ça doit être dans l'eau. Il faut que le citron soit tiède. Peut-être dans l'eau. Ça doit être dans un peu chaud. Ouais. Peut-être. Ensuite de ça, c'est bon ça, j'aime ça. Si tu veux boire beaucoup d'eau dans la journée, on a déjà mentionné mille et une fois, qu'il fallait pas nécessairement en boire exactement 8 litres. Je sais pas si c'est quoi. Mais quand t'as soif. À la place, prenez un gros galon, OK? Et mettez-vous des lignes, genre à quelle heure que vous devriez être rendu à telle portion. Donc, mettons, à, je sais pas, 9h du matin, t'es là. Là, ça dit continue de nager. À midi, t'es rendu à la moitié du galon. À 17h, t'es rendu presque au quart. Donc, c'est un gros galon d'eau. Ensuite de ça. Ah, tiens! Un rack à magazines accroché à l'intérieur d'une armoire à chaudron. Vous allez pouvoir mettre les couvercles des chaudrons dans le rack à magazines. Oui. T'es carrément ça? T'es carrément. Je connais quelqu'un qui fait ça. Pourrait? Oui, ça marche très bien. Cool. Tiens, si tu... Ah, ça, j'aime beaucoup ce conseil-là. Ça va m'être utile dans la vie. Si tu mets ton eau... attends un peu. OK. Si tu prends pas une douche très, très, très, très chaude, OK? Donc, t'aimes l'avoir chaude, mais pas... extrêmement bouillant. La plupart du temps, on ne veut pas aller bouillant. Hein? Donc, baissez le thermostat de votre chauffe-eau de 140 degrés Fahrenheit, j'imagine. Ça doit être ça. Fahrenheit, en tout cas. De 140 à 120. Oui, sinon, ça boue. Pas mal ça. Tu le descends à 120 parce que ton eau dans ta douche, elle va aller jusqu'à la même température qu'elle irait d'habitude, sauf qu'elle n'a pas besoin d'être bouillante dans le robinet. Tu vas économiser jusqu'à 125 $ par année. Wow. Juste en baissant de 20 degrés ton chauffe-eau. J'adore ça. Tiens. Toi, là, tes orteils, là, si tu t'en rappelles au hasard comme ça, si tu t'en rappelles pas, c'est correct aussi. Mais est-ce que tu sais si ton, si tes orteils, mettons, si ton index de pied est plus long que ton gros orteil de pied? Non. Orteil de pied, c'est un orteil? Non, il est plus... Non. Il est plus court? Mon pouce d'orteil est plus grand. OK. Et est-ce que ça y va en déclinaison proportionnelle en pente? Je pense que oui. OK. Tu serais d'origine égyptienne. Oh! Si tes orteils sont vraiment en pente, genre chacune des orteils, à partir du gros orteil, est de plus en plus petite, t'es d'origine égyptienne. Si tes trois premiers orteils, donc pouce, index, majeur, si on veut, sont plus longs, pas mal, que les deux derniers, t'es d'origine romaine. OK. Okay. Si ton pied fait un genre de triangle, c'est-à-dire que ton index est plus long que les autres et que les autres sur les côtés descendent, t'es d'origine grecque. Si ton gros orteil est plus long et que les autres orteils sont tous plus courts, mais à peu près égales, donc sur une ligne, t'es d'origine allemande, germanique. Et si ton... et là, c'est plus compliqué à expliquer celui-là, mais si l'index est plus long que ton orteil et ton majeur et qu'ensuite, les deux derniers sont beaucoup plus bas que les autres, t'es d'origine celtique. Wow! Intéressant, difficile à expliquer à la radio, mais quand même. Ouais, mais quand même. On dirait que j'ai envie de me regarder le pied. Là. On a envie de tous le faire en ce moment. En voiture. Ouais, en voiture. Allez voir le lien sur assemblagerequis.com pour ceux qui ne comprennent pas trop. On parlait beaucoup d'huile d'olive la semaine passée dans les instructions d'assemblage. Cette fois-ci, l'huile d'olive va vous aider à libérer un zipper qui est pogné. Donc, allez-y, tartinez ça d'huile d'olive. Et ça goûte excellent après. Je m'imagine juste, mettons, tu sais, t'es mal pris, ton zip est pogné, mais t'as tes pantalons. Puis là, t'essaies de te mettre de l'huile d'olive sur les pantalons. Oui, ça pourrait être confus un petit peu si t'es en public. Oui, c'est de Pacini. Une grosse tache huileuse sur ton pantalon. Oui, je prendrais un petit peu d'huile pour mon pantalon. S'il te plaît, ouais. Lubrifiant, t'sais, toujours mieux. Ajoutez une cuillerée à thé d'huile d'olive à la nourriture de votre chat. Pour aider à empêcher les boules de poils et avoir une belle fourrure brillante. Pour pouvoir faire un casque après. Oui, un casque de poils. De la gomme qui est prise sur tes vêtements, donc tu as une gomme poignée, fais bouillir du vinaigre et verse ça sur la gomme. Utilisez une brosse ensuite pour frotter ça et la gomme va s'enlever instantanément. Wow. Donc vinaigre. Tant pis pour la glace. Tant pis. J'avais déjà entendu de frotter de la glace. Ben, j'ai déjà essayé, puis ça marche plus ou moins bien. OK, ben t'essaieras celui-là, donc tu fais bouillir du vinaigre. Ouais. Avec une brosse. Si tu t'en vas courir, l'application Jog.fm va sélectionner une playlist musicale basée sur ta vitesse de course. Ah! Jog.fm. C'est cool, ça. Les antioxydants qu'on retrouve dans le miel aident à... En fait, ça empêche les dommages au côlon. OK. Donc, les antioxydants du miel. Donc, c'est bon, du miel. Pour vider ton nez, OK? Quand t'as le nez tout embourbé, ouais. Retire ton souffle et fais aller ta tête hoche dans le fond de haut en bas. Et quand tu vas recommencer à respirer, tes passages nasaux vont être ouverts. Wow! Hocher de la tête en gardant ton souffle. Oui. pas en public, toujours. Si vous avez à faire un souper rapidement, vous voulez faire des pâtes rapidement, on nous dit comment cuire des pâtes rapidement, j'aimerais vraiment savoir si ça fonctionne, c'est que si tu trempes tes nouilles pendant que ton eau est en train de bouillir, elles vont cuire presque deux fois plus rapidement. Parce que d'habitude, on fait bouillir l'eau et après ça, on dompe les pâtes dedans. Oui. Donc, mettez les pâtes dès le départ. Est-ce que tu penses qu'elles sont aussi bonnes? Je me le demande. Il faudrait l'essayer. Je pense qu'on devrait. Mm-hmm. J'ai amené mon brûleur demain. OK, parfait. Tiens, vous êtes en avion. Vous avez besoin de vous divertir. Il n'y a pas de télé dans les sièges sur certains avions des fois. Donc, utilise un sac de plastique transparent, OK? Et accroche ça au siège en avant et mets ton iPhone ou ton iPad dedans. Tu n'as pas besoin d'avoir un petit rack à iPod, là, comme on achète des fois. Et ça va fonctionner aussi bien. Tiens, tu t'es fait couper les cheveux, mais tu n'aimes pas ta coupe de cheveux. Bon. Mange de l'ail et des oignons. Parce que c'est scientifiquement prouvé que l'ail et les oignons vont aider les cheveux à pousser un petit peu plus vite. Oh. Évidemment, ça plaira pas nécessairement pour côté Alain, mais ça pourrait fonctionner pour les cheveux. Tiens, on se paye des fois, pas on, mais les gens se payent des fois, les petits poissons. Tiens, tu vas dans un spa, puis il y a des petits poissons qui vont t'enlever les cils. Pour manger les... Ouais. Quand la peau morte. Ouais. Donc, si tu veux pas avoir à faire ça et ne pas payer beaucoup d'argent, tu peux suivre quand même ce cheat populaire. Pendant 30 minutes, tu couvres tes pieds de crème à raser et d'une débarbouillette. Et ensuite, tu trempes tes pieds dans du Listerine et de l'eau. Et la peau va s'enlever. Tout de suite, les peaux mortes vont s'enlever. Crème à raser, débarbouillette, eau et Listerine. On dirait que je suis pas sûr que j'ai le goût de l'essayer, ça. Moi non plus. Mais tu vas sentir bon des pieds. Ouais, ça, crème c'est à raser et Listerine, c'est un bon... Hein? Ouais. Allons-y avec quelques petits derniers comme ça. Organiser. Alors ça, c'est pour les gens qui se servent de maquillage. Donc, à la place d'avoir un tiroir rempli de maquillage, essayez-vous un tableau avec, dans le fond, un tableau aimanté. Okay? Et mettez un petit aimant à l'arrière de chacun de vos articles de magasinage, de maquillage. Vous allez pouvoir les installer tac. En ordre de couleur, puis ça fait cute. Un peu comme des épices. Il y en a qui font ça avec les épices. Oh, bonne idée. Exactement. Et pour terminer, on se demande tout le temps, les chiens, tu sais, leur âge. J'ai trouvé un petit tableau qui est supposé nous dire quel âge équivalent les chiens ont. Donc, on dit qu'à 6 mois, le chien a l'équivalent de 10 ans. Okay. Ensuite, à 1 an, il y en a 15, 2 ans, 24, 3, 28. Là, ça monte, je vais y aller avec les gros chiffres. À 10 ans, il est rendu à 56 ans. À 15 ans, à 74 ans et demi. 20 ans, 87 ans. 25 ans, 99 ans et demi. Et 30 ans, 112 ans. Wow, mais j'ai jamais vu un chien de 30 ans. Moi non plus. Mais ça pourrait arriver. Ça pourrait. Si c'est dans le tableau, j'imagine que c'est jamais allé en haut de 30 ans, sinon ce serait dans le tableau aussi. Mais ça serait impressionnant. Moi, il me semblait que c'était la moyenne, c'est genre 12. À peu près, 12-15. Ouais. C'est quoi? Et ma petite phrase Q pour terminer. Oui. Ignorez les choses négatives que vous ne pouvez pas changer et changez les choses négatives que vous ne pouvez pas ignorer. Oh. Hein? Pensons à Internet maintenant. C'est ça. Oui. Internet. On peut pas le changer. On peut pas le changer, on peut rien faire. Non. On pense à d'autres choses. Voilà. C'était les instructions d'assemblage, la chronique de trucs et astuces d'assemblage requis. On va prendre une petite pause et au retour, on va faire Kinky Sexy Time. Kinky. Oh non, j'ai éjecté ce dé de pub. Ah non! Ah non! Au moins, t'as pas fait ça avec le siège de ton co-animateur. Je vois! Allô! CFOU 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Toujours à Assemblage Hockey, émission matinale en pièces détachées. Jean-Philippe Charbonneau est là. Mathieu Plante est là. Petite parenthèse sur la pub de Connaître Ensemble. Je les adore, les filles de Connaître Ensemble. Elles sont vraiment le fun. Leur pub est très, très bonne. Ça dit genre pour savoir comment mieux naître. T'sais. Oui. J'aime l'émission dont le public cible, c'est les enfants qui sont pas encore nés. Oui. Tu mets la radio sur ton ventre. Ben oui, mais écoute, ils disent, hein, il faut les prendre très, très jeunes. Il faut les habituer très jeunes à des bonnes habitudes. Écoutez, c'est fou, c'est une bonne habitude de vie. Et au moins, on n'est pas Philippe Morris, on est C'est Fou 89.1 FM. Oui. Radio Doris. Si genre à la place c'était genre Marie-Philippe, c'est un prénom de fille. Oui. Marie-Philippe Doris. Doris, voilà. Et son nom. Voici Bad Tubs de Rural Canoe. Away Ram. Away Canoe. Can't get Carl Canoe. Avec Bathtubs. Bathtubs, un bain. Oui. Un bain. C'est bien bon. Maintenant, assemblage requis, toujours. Je sais pas. J'ai envie. JP. Oui. J'ai envie. Là, OK. Aujourd'hui, on va se le dire, il n'y a pas Internet en studio. Mm-hmm. Fait que là, on s'est préparé une petite chronique à l'improviste. Tu manges mon cœur, OK? Oui, mais ça va être Chris. Hey, Carl, JP, DG, directeur général. Oh, wow, attention à ce que tu dis. Fou. Hey, ça mérite une strike, ça, une prise contre toi. Ouf. Une grosse prise longue demain. Mon Dieu. J'étais convaincu, là. J'étais convaincu. T'étais en ronde? Oui. Putain, je m'entends. Ouais, hein? OK, donc, c'est ça. On va faire Tu manges mon cœur, oui, la chronique de coup de cœur. Ça fait à peu près, je dirais, 2 ans qu'on appelle la chronique Tu manges mon cœur. On la fait vraiment pas souvent. Puis, tu sais, bon, Tu manges mon cœur. Les gens se demandent tout le temps qu'est-ce que ça veut dire. Tu sais, bon. Là, il faut expliquer que dans le temps, ça s'appelait ton plat favori. C'est la chronique de Stéphanie Gagné. Tu te rappelles? Oui. Stéphanie Gagné, tu te rappelles pas, t'étais pas là. Non, mais je me souviens que tu m'en as déjà parlé. OK, c'est ça. Je fais souvent la référence. Et là, je me disais, tu sais, j'ose pas revenir à ton plat favori parce que c'était la chronique de quelqu'un d'autre. Tu sais, je voudrais pas y voler son titre. T'sais. Fait que je me disais, je vais comme mettre ça au vote. OK, on va écouter les deux intros. OK. OK. Puis tu vas me dire, genre, qu'est-ce qu'on devrait faire. Puis le public pourra aussi choisir aussi via vote interactif. Au 6-89-1-89-1. Non, c'est pas vrai. On n'a pas vraiment de numéro de message texte du tout. Donc, pour commencer, voici l'intro de Tu manges mon cœur. Mange mon cœur, c'est ce qu'on utilise depuis à peu près 2 ans, depuis que Stéphanie Gagné est partie. Oui. OK. Et dans le temps avant, quand c'était Stéphanie Gagné, l'introduction commençait comme ça. Voici ton plat favori. Donc, on aime les deux intros, elles sont très très bonnes. Il y en a une qui fit un petit peu plus dans le domaine parce que c'est ton plat favori, tu sais, on s'entend qu'on sait ce que ça veut dire. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi, j'aimerais ça qu'on mette ça au clair. Qu'on mette ça au clair une fois pour toutes. On veut se débarrasser. Parce que j'en parle à chaque fois. Ah, j'aimais tellement l'intro. Tu sais, il faut qu'on arrête d'en parler. Est-ce qu'on garde Tu manges mon cœur ou est-ce qu'on fait ton plat favori? Et on pèse les pour et les contre. On pèse les pour et les contre. Ben, moi, je dois t'avouer que je suis. Là, je commence à être habitué à Tu manges mon cœur. Ouais. Évidemment. Ouais. Parce que moi, j'ai juste connu ça. Ouais. Donc, je suis déstabilisé d'entendre ton plat favori. Et ça sonne bien, tu vois. Ça sonne cœur, très bien. Parce que. Dans ton plat favori aussi. Aussi. Parce que ton plat favori, c'est bon, c'est ce que j'aime le plus dans la vie. OK, c'est cool. Ouais. Tu manges mon cœur, c'est bon, mon cœur a tellement de besoins dans la vie qu'il doit manger. Tu manges mon cœur. Tu manges, virgule, mon cœur. C'est non pas, ouais, non pas tu manges mon cœur comme non, tu me manges mon cœur. Ben non, pour de vrai. C'est ça la confusion. Ben oui, c'est ça. Donc, je dirais ça comme ça d'entrée de jeu. Après ça, c'est une question d'habitude, je pense que moi, j'ai. Pour l'instant, je suis encore accroché à Mange mon cœur. Mais je suis pas fermé. Pas fermé, donc on va devoir poser la question externe un petit peu, peut-être. Je pense que oui. Je pense que oui, je vais décider. Au balatage. Puis toi, Mathieu? Moi, je vote pour Khaled, je pense. Ça, son nom? Oui. Dans l'occupation double? Je sais pas. C'est lui qui ressemble à une poupée Ken, c'est lui, ça? Ah, mais ouais, je vois ça passer sur Facebook. Puis. Mm-hmm. Donc, c'est ça, Mathieu, je suis sûr que c'est ça. C'est ça. Tu l'écoutes, à vous. Donc, on n'a pas de consensus. Non, fait que finalement, ça ne va pas. On continue comme ça pour l'instant, puis on va mettre ça au vote sur Facebook. Okay? Oui, on fait ça. On fait ça. Ouais. Good. Un prix à gagner. Oui, des t-shirts. C'est ça. 6,80 fois. OK. Donc voilà pour la chronique qui porte un nom à déterminer ici. On va parler de nos coups de cœur et comme toujours, Jean-Philippe, je vais te laisser commencer. Oui. Et tu vas mettre de la classe dans l'émission d'aujourd'hui pour vrai. Ben oui, si on veut, puisque en fin de semaine, j'ai reçu des amis de longue date, que ça faisait très longtemps qu'on s'était pas vus. Et puis, on est allé acheter une bouteille de vin à la SAQ et mon ami m'a dit « Ah, oh, ça serait le fun, on pourrait se faire un apéritif. T'as-tu déjà goûté ce gin-là? » Là, il faisait son hipster, c'est déjà goûté ouais, à ce gin. Ouais, c'est ça, là, vraiment. Puis là, c'est tellement mainstream, là, c'est oui, cool. Puis moi, écoute, j'aime beaucoup le gin. Je suis un fan de Bombay, la bouteille bleue. OK. Je trouve que c'est un bon gin et tout. Donc, c'est de la bombe, hein. C'est de la bombe. Et donc, j'étais content de goûter d'autres choses, puisque j'étais rarement sorti des sentiers battus, puisque j'avais trouvé, genre, ma marque. T'as sorti, oui. Le gin, nos compliments. Ben oui, c'est ça. Puis, ben, tu sais, c'est pas une bouteille qui est donnée, mais tu sais, je voulais pas essayer d'autre chose, puisque justement, c'est pas donné les bouteilles, puis je voulais pas m'essayer avec quelque chose que je pourrais ne pas aimer. Bref. Voilà. Donc, je vais vous parler d'un gin qui s'appelle Ongava. C'est du Ongava Premium Dry Gin. Et puis, c'est quand même assez récent que c'est disponible à la SAQ, ici au Québec. Et c'est dry gin, c'est donc du gin sec. C'est contrairement à un gin mouillé. Un wet gin. OK. Ouais. la bouteille est jaune. Donc, comme ça, Mathieu, je te la montre. On dirait un rince-bouche. Ben, le gin est couleur un peu dorée. Puis ça, c'est dû que c'est fait avec des herbes qui sont cueillies ici au Québec. Donc, je ne sais pas si physiquement ce gin-là y est fait au Québec, mais certainement les herbes qui le composent le sont. C'est un mélange de 6 herbes. Je ne sais pas si ça t'intéresse que je te donne. Ben, les détails, c'est toujours bon. Ben, écoute, il y a de la baie d'églantier. Le mélange de l'article, là, j'imagine qu'ils peuvent pas nous dire tout ce qu'il y a dedans parce que la recette exacte. La recette exacte. Il y a de la ronce de petit mûrier, du thé du Labrador, du caramine noir, et puis le genévrier nordique. Donc ça, c'est toutes des herbes que tu peux retrouver dans le nord du Québec. Et puis écoute, ça fait un gin qui est vraiment, vraiment, vraiment savoureux. Puis, dans le fond, eux, ils suggèrent quelques recettes de cocktails. Moi, je dois t'avouer que je suis allé très classique. Là, avec, on n'avait pas de tonic. Là. Fait qu'on a fait avec un peu de 7-Up. C'était délicieux sur glace. Mais vraiment, si vous aimez, vous êtes fan de gin, Ongava, une bouteille jaune qui est disponible à la SAQ, je vous le recommande. Plusieurs choses à faire avec ça. Là, c'est délicieux. Et c'est aussi un excellent jeu de cartes. Oui. Je sais pas. Ouais, non. Non, pas tant. Pas tant. Ben bravo, merci. Colin, pour vrai, c'est très très classe du gin. Ça fait comment dire, Urban Outfitter. Là. Ça fait, oui, mais si vous avez, ça vous tente d'en savoir un petit peu plus sur ce gin-là, si vous êtes curieux, allez voir le site internet. C'est Ungava, U-N-G-A-V-A, _gin.com, tout simplement. Puis t'arrives sur le site directement en français. C'est cool, ça. Génial, simple comme ça. Merci, Jean-Philippe. Ben de rien, ça fait plaisir. Et j'y vais tout de go avec mon coup de cœur dans Tu manges mon cœur / ton plat favori. Oui. Moi, ce que j'ai commandé la semaine passée, parce que bon, OK, je remets en contexte, on voulait commander des pots à café sur Amazon.com. Vous savez, Amazon.com, c'est la version américaine d'Amazon. Hein? Et souvent, il y a des articles qui ne sont pas sur Amazon.ca. Oui. Donc, je les commande sur Amazon.com. Il y a un petit peu de shipping de plus. Tu as des douanes à dédouaner. Ouais. Ouais. Et tant qu'à payer les frais de douane, aussi bien rajouter quelques articles de plus que j'ai pas sur Amazon.ca, mm-hmm. que j'ai regardé depuis longtemps. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai commandé ce qu'on appelle les UT Wire 5-inch Flexitize Cable. Wow! OK, et je vais te les montrer ici en studio parce que j'ai amené le paquet au travail. OK. Et j'en ai déjà, j'ai même enroulé mon fil d'ordinateur avec ça. Donc, ça ressemble à des petits bonbons, oui. qu'on retrouve à la bonbonnière ou peu importe autre magasin de bonbons. Ça ressemble à un petit bâtonnet de couleur. Il y en a ici des jaunes, oranges. Un peu comme les effaces là, dans les pouces effaces. Oui! Oui, dans le temps, oui. C'est vrai, ça ressemble vraiment à ça. Mais moi, je pense aux petits bonbons avec de la caméra. Oui, oui, oui. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est que tu prends ton fil, même que je pourrais quasiment en faire un en studio. Live oui. même. Je vais pas détacher mes écouteurs. Ça pourrait être un petit peu difficile à faire la radio. Oui. C'est que c'est des fils flexibles, des câbles okay. flexibles, d'où le nom Flexitize. Et c'est que vous pouvez prendre votre fil, l'enrouler et après ça, prendre un petit peu comme une réglisse et l'entourer autour. Et un peu comme une attache poubelle, vous allez pouvoir faire un petit nœud. Oh! Et ça tient. Là, ça ressemble à un pretzel. À un pretzel. Et sérieusement, je les regardais depuis des mois. Et je tripais dessus à distance. C'est beaucoup plus beau qu'un tie wrap. Beaucoup plus pratique aussi, puisque mettons, tu veux. Mettons en arrière de ton ordinateur. Ouais. Tu sais, t'es là, oh, je suis tanné, ça a l'air le bordel. Fait que là, tu tie wrap ça en te disant, tu sais, ça va être beau, au moins, ça va faire comme une gaine. Mais là, oups, tout à coup, il faut que tu changes ta souris, coupe les fils, là, c'est tannant. Mettons, si tu viens de refaire le studio à radio, mettons, exemple comme puis ça. Puis il faut que tu réinstalles des ordi. C'est par ça. Faut que tu demandes au gars de venir de je sais pas quelle ville pour ouais. venir arranger ça. Bon. Okay. Wow! Donc, wow! Et, c'est beau! C'est très, très joli et c'est que tu peux les avoir en plusieurs couleurs. Par exemple, j'ai eu un emballage que c'était deux bleus, deux jaunes et deux gris, je crois. Je ne suis pas sûr de quel match avec lequel. J'en ai des roses. Oui, des genres orangés. Ouais, des gris et des trucs comme ça. Et ce qui est le fun, c'est que, bon, là, évidemment, il faut lâcher sur Amazon.com, donc il y a du frais de shipping et du dédouanage. Là. Mais en tant que tel, l'emballage de 5 Flexitize, donc de 8 Flexitize de 5 pouces est à 9$. OK. C'est quand même pas si pire. C'est quand même pas si pire. Et t'as d'autres emballages aussi avec des plus longs. J'ai réalisé qu'avec le fil de mon ordi, j'aurais dû en prendre des 7 pouces. Je sais qu'ils vendent des 7 pouces. Donc peut-être qu'à la prochaine fois, ce sera ce que je ferai. Parce que pour l'instant, je suis obligé de mettre deux attaches sur chacun de mes fils. Mais mettons, tu dis 7$? C'était 9$ pour mettons les... Mettons 10, ouais. Mais c'est pas si pire, parce que mettons, tu penses à toutes les... Tu sais, mettons, t'achètes un sac de tie wrap. Va falloir que tu les coupes, t'en remettes. Fait que ça, au moins, c'est réutilisable, c'est bien. Oui, et c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus joli, comme tu as dit tantôt. Et c'est que tu peux matcher les couleurs, donc pour vrai, il n'y a que des avantages. C'est par la compagnie qui s'appelle UT Wire, W-I-R-E, et ça s'appelle les Flexi Ties, F-L-E-X-I. Ties, voilà. Mm-hmm. Flexi Cable Wrap, dépendant de où tu cherches. Et c'est disponible sur Amazon.com, mais pas .ca, malheureusement. C'est difficile, il y a beaucoup de produits comme ça. Amazon.ca, c'est surtout les DVD, les trucs comme ça. Il n'y a pas les produits pour la maison, les affaires de pour le corps et tout ça. Il n'y a pas grand-chose. Il y en a moins. C'est dommage. Donc voilà pour ça, c'est bon, tu manges mon cas. Waouh! Yeah! On a fait une chronique comme ça, improvisée de même. Oui, c'était bon. Oui, quand même des bons choix. Je te prépare un mois en passant dans Tu manges mon cœur. Peut-être le mois de novembre, je dirais, serait un bon mois. Un mois genre corporel, soin de la personne, soin de soi-même. Donc, je te prépare un mot complet là-dessus. Je vais essayer en tout cas. Ouais, parfait. Je travaille là-dessus. T'sais. Je trouverai un concept aussi. Cool. Ça serait cool. Oui. Mais pour l'instant... parlant de gin que tu nous as fait presque goûter tantôt, tellement t'en as parlé en détail. Ben oui, mais tu sais, c'est le fun. Hein? Tu mets 2-3 glaçons, tu mets du gin dans un bon petit buck. On the rocks, comme on l'appelle. Un peu comme AJ on the rocks, à Julie du Rocher. Oui. Est-ce que j'ai déjà appelé de même en personne? Écoute, moi, ça me dit rien, puis je la trouve très bonne. Donc, non, on a quelque chose pour mardi prochain. Good. Pour l'instant, donc, on écoute en lien avec ça les frères Goyette, puis petit buck. Oui! Sur C'est fou, 80 FM, puis on vient se dire bye après. Bien loin d'un Hollywood, on m'a entendu chanter mal. Mais tiens, au minimum, toujours été low profile. Au moins, essaye de mettre de côté mes gammes. J'y vais d'instinct sans jamais oser vouloir plaire aux dames. Jamais seul dans basse-cour, chante le jour pis dans la nuit. Ouais, mon coq, bombe le torse, prends du coffre. Puis chasse ma peur, lève mon col de blazer. Mets de la paillette, une belle grosse wave dans le toupette. Un bungalow dans Graceland, fan d'Elvis. Memphis qui débarque, Memphis d'un coulisse. Un bon ego, 10, 15, 20, 30 livres de trop. Rentre fit dans sous temps, ouais. Bouge comme le king en way. Bouge, m'inspire ailleurs. À l'idée, cash. J'en connais une coupe cash. Mon ans, ça me le doute. Mais le man dans le temps semble même me tenir au courant. Marche mes classiques. Fais la barbe aux jeunes dans le cirque. Concert chanceux à Londres. Une bière en fût, ben loin de monde. Check one, two. Monte mon minute, m'a de prendre moins de kick. J'suis pas le king d'en place. Ma carrière a l'air d'une vraie farce. Ça manque des coups de sage. J'ose en masse, ça se crisse de tout. Peur à mon meilleur, brûle les planches, une et une, tour à tour. Les geeks sont brunes, mais l'espoir d'en avoir une bonne me reste dans la tête, je garde espoir, me garde du fun. Les frères Goyette avec gros buck. C'était pas petit buck. Non, t'as le choix. T'as un buck familial, un moyen buck. Ouais, fallait prendre le gros. C'est ça. Voilà pour Assemblage Rocky pour aujourd'hui. On se retrouve demain entre 6h30 et 9h30 en direct à partir de 7h30. Et là, je vais devoir me rappeler par cœur de ce qu'on a parce qu'on n'a pas Internet. Attends. Demain, on est quoi, mercredi? Donc, Stéphanie Paradis sera là pour la nouvelle édition du Zone Campus. Oui. Ingrid Arneberg et sa chronique La course au trésor sur les parents et enfants. Oui. Est-ce qu'on a Véronique Mirnon? Non. Sur deux semaines. Ah oui, on a Lily Brunet-Saint-Pierre et sa chronique L'aplomb dans la tête. Oui, son, t'as raison. Son éditorial sur sa vie. Oui. Hein? Sébastien Dulude a une nouvelle chronique demain aussi. OK. Parce qu'il est rendu la même journée que Lily Brunet-Saint-Pierre. On a libéré l'autre case horaire alternative. Et je pense que c'est à peu près tout pour l'émission de demain. Restez là pour le Dîner de con qui s'en vient à 11h. Après ça, ce sera On est mardi. Rock les classique. Il y a les Malhonnêtes. Oui, les Malhonnêtes à 10h. C'est ça. Sinon, c'est ça. Rock classique à 13h. Réanimation à 19h oui. En direct. Et il n'y aura pas de vie en mauve. Pas de vie en mauve. Triste. Non. Triste. Sinon, allez voir cif.ca. Vous, votre internet marche. Donc, oui, cif.ca pour la programmation complète. Sinon, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et balado-diffusion. À demain, JP. Salut, Mathieu. Bonne journée. Toi aussi. Bye.